Mardi 16 décembre, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous depuis, qui est là en fait, depuis, j'étais partie depuis un mois, donc je suis très contente d'être avec vous pour cette dernière édition de l'aérospatiale pour cette année. Les prochaines émissions seront consacrées à de la musique. Raymond Poirier vous fera des belles émissions folk la semaine prochaine, mais en attendant aujourd'hui à l'émission, on reçoit Fanny Ménard et Véronique Isabelle qui ont participé à la résidence de création et l'exposition à Belém au Brésil, un projet qui s'appelait Do Norte à Au Norte qui avait lieu au mois de novembre. Également, Audrey Carreau viendra nous parler de la tablée de Noël de l'œil, donc qui aura lieu vendredi prochain à l'œil de poisson à compter de 18h. Pardon. Aussi, on reçoit Dan Bro qui paraît, en fait, dont les œuvres paraissent dans la publication 100 Painters of Tomorrow, qui est publiée par Thames & Hudson. Également, Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et le tout sera ponctué des sélections audio de Simon Roy. Bonjour, Simon. Bonjour, Julie. Ça va bien? Ben oui, ça fait un petit bout. Ben oui, après un mois là, de cet automne, ma foi, fort chargé pour moi. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? On réécoute un truc qui m'a bien plu dans l'année. Je voulais faire un retour sur ce qu'on avait écouté cette année. Puis, c'est ça, j'ai rechoisi un album de Public Works. On avait joué ça au mois d'avril. C'est l'album Numbers. Malheureusement, j'ai pas plus d'informations qu'il faut à propos de Public Works. Avec un nom comme ça, c'est tout à fait impossible à rechercher sur Google. C'est sur l'étiquette Our Media, donc un groupe assez mystérieux. Musique tout autant mystérieuse. Je vous laisse là-dessus. Voilà, on pourra apprécier le mystère à nouveau. Dis-moi, Simon, est-ce que tu prends une pause dans le temps des fêtes? Non, c'est toujours... Toujours à l'horaire. Voilà, donc Simon Roy anime Web Musique le dimanche soir à compter de 19h sur les ondes de CKRL. Merci beaucoup, Simon. On se revoit Merci en 2015. Oui. Et en attendant de le revoir, ben on écoute un extrait de Hoping It's a Dream sur les ondes de CKRL. Sometimes I remember the voice and sometimes I don't. Then again, I think. I just kept hoping that it was all a dream. That I would get up and get up once more and it would all be a dream. I just kept hoping that it was all a dream. Voilà, toujours à l'aérospatiale, j'accueille Raymond Poirier. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Et évidemment, un milieu des arts visuels qui est assez actif. Après un an d'absence, ben notamment, le Gala des arts visuels était de retour le 10 décembre dernier avec plusieurs lauréats, évidemment. On en a parlé la semaine dernière, prix hommage qui a été remis à Françoise Sullivan. Mais qu'en est-il des autres récompenses qui ont été offertes au fil de la soirée? Me demanderas-tu assurément? Ben, je me le demandais, j'attendais simplement ta réponse. Alors, le prix de la meilleure exposition solo en galerie privée a été remis à Nicolas Bayer pour son exposition éponyme l'été dernier chez Division à Montréal. Le prix de la meilleure exposition en groupe en galerie privée a été décerné à l'exposition Peinture extrême cadrée Le Tout, élaborée en 2013 à la galerie Trois Points par Maud P. Hénner avec les artistes Mathieu Lévesque, Nicolas Fleming, Guillaume Labrie et Mathieu Grenier. On a également décerné les prix Pierre Raillaud et Louis Comtois que la Ville de Montréal et l'Association des galeries d'art contemporain remettent à chaque automne à un jeune artiste pour l'un, à un artiste plus expérimenté pour l'autre. Alors, prix Pierre Raillaud qui a été remis à Julie Favreau, récipiendaire de bourse de fin d'études supérieures en art contemporain de Claudine et Stephen Bronfman. L'artiste de 33 ans était le nouveau visage art visuel de la presse en 2012 d'ailleurs. Alors ben voilà. Sinon, le prix meilleur commissaire émergente de l'année a été remis à Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, conceptrice de l'exposition Faire comme si. Le prix Louis Comtois, lui, qui vise à soutenir le travail d'un artiste contemporain qui s'est distingué à Montréal depuis les 15 dernières années, a été décerné à Patrick Bernatché, doué autant en dessin, en peinture, en photographie, en installation qu'en vidéo. L'artiste a travaillé ces dernières années sur son projet Lost in Time. Sinon, parmi les autres prix décernés, on peut mentionner celui du meilleur commissariat qui a été remis à Vincent Bonin pour l'exposition d'un discours qui ne serait pas du semblant à la galerie Léonard et Bina Hélène. Le prix art public qui a été remis à Philippe Allard et Justin Duchesneau pour leur œuvre éphémère Courte Pointe à la Fonderie et Darling. La meilleure exposition en musée, galerie universitaire ou fondation a été donnée à Les Matins Infidèles, l'art du protocole au Musée national des beaux-arts du Québec, donc par le commissaire Bernard Lamarche. Art québécois a couronné l'Oscillation du visible d'Olivia Boudreau, présentée à la galerie Léonard et Bina Hélène. Et enfin, Jean-Pierre Gauthier a été honoré pour son exposition « Ceci n'est pas une machine » au centre d'exposition de Saint-Hyacinthe. Ben voilà, félicitations à tous. Puis là, ben t'as une dernière... Dernier récipiendaire, en fait, pas le moindre prix non plus. Il s'agit de la bourse de carrière Jean-Paul Riopel du Conseil des arts et des lettres du Québec. Une bourse d'un montant de 60 000 $ a été remise donc à Diane Landry, qu'on connaît bien ici, évidemment. Ben oui, qu'on évidemment. A reçu il y a environ un mois, je pense bien. Oui, oui. Et ben, elle s'est déclarée évidemment honorée, en fait, en fait, les donneurs du calque plutôt se sont dit honorés de remettre cette bourse à Diane Landry. En fait, on estime que par justement cette récompense, on vise à souligner, à reconnaître son impressionnant parcours depuis près de 30 ans et aussi confirmer l'importance de son œuvre sur la scène artistique, aussi bien au Québec que sur la scène internationale. Et évidemment, l'encourager à poursuivre aussi sa pratique. Donc, depuis plusieurs années, on se rappelle que Mme Landry se distingue par la création de ses œuvres nouvelles, qu'elle définit comme une nouvelle œuvre matérielle qui nécessite un certain temps d'observation pour être appréhendée dans sa totalité, des œuvres qui prennent la forme de sculptures ou d'installations en mouvement. Donc, félicitations à elle. Sinon, un peu plus tôt cette semaine, il y a le Mois Multi qui a dévoilé une partie du moins de sa programmation 2015. C'est devenu une tradition, hein? Ça fait quelques années qu'ils font ça. Oui, peut-être un peu avant les fêtes. Enfin, on se dit, offrir le Mois Multi en cadeau. Donc, on connaît quelques éléments, quelques spectacles. Évidemment, c'est des spectacles phares aussi de la programmation. Je vous rappelle que le Mois Multi cette année aura lieu, entre autres, au mois de février, donc du 4 au 28 février, comme à l'habitude, 25 jours de spectacle. Ce qui est annoncé, c'est le spectacle Talking Head, un spectacle qui allie danse et arts multidisciplinaires qui va être présenté début février. On le décrit comme une plongée artistique dans de nouvelles réalités virtuelles avec une vision satirique de la surenchère des médias sociaux par le biais d'un travail chorégraphique multidisciplinaire et l'usage original de la technologie. C'est par Liquid Loft d'Autriche. Sinon, une performance multidisciplinaire qui s'appelle Radical KO de Jocelyn Pelletier, donc de Québec, qui est présentée également début février sur scène, un ring de boxe en direct, vidéo, musique, performance et danse qui se déploie pour créer des tableaux vivants plus intenses les uns que les autres. Et enfin, le troisième spectacle qui a été annoncé s'appelle Eotone, une installation cinétique et sonore d'Herman Colgan et David Letellier de Montréal et de France. Ça sera présenté du 14 au 22 février, justement au Musée national des beaux-arts du Québec dans le parvis arrière. À la fois girouette et corne de brume, quatre sculptures monumentales captent simultanément les données éoliennes en direct des villes au Québec et en France. Il s'orchestre alors un ensemble sonore et cinétique fascinant, composé à même la force des vents. Ça avait été présenté du côté de l'Europe d'ailleurs dans quelques événements et les commentaires qu'on avait pu recueillir à la suite de ça étaient quand même assez favorables. Ben voilà, une suggestion de cadeau si vous êtes en retard pour votre magasinage des fêtes. Sinon, le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec et le regroupement des artistes en arts visuels du Québec ont annoncé cette semaine qu'ils sont parvenus à un accord de principe sur un modèle de contrat d'exposition et ont énoncé des meilleures pratiques également. On saura ultérieurement la nature de cette entente-là puisqu'elle doit être ratifiée par les assemblées de ces deux groupes et la ratification aura lieu en juin l'année prochaine. Et enfin, dernier petit clin d'œil, je me suis dit on va finir l'année avec quelque chose, un peu plus une curiosité, c'est qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de grands musées qui se lancent dans la collecte de données sur leurs visiteurs, des musées qui, selon le Wall Street Journal, installent des capteurs dans leurs galeries pour suivre les déplacements des visiteurs, leur demandent de remplir des questionnaires en ligne, de télécharger des applications. On espère mieux connaître les habitudes des visiteurs, donc qui sont-ils, quand viennent-ils, quelles œuvres aiment-ils, quelles œuvres les laissent froid. Et on peut même nous amener tranquillement à intégrer de la publicité en direct. Donc l'idée, par exemple, que si quelqu'un observe une toile, qu'il est là dépassé un certain nombre de temps, instantanément, il reçoit des coupons, par exemple, pour le catalogue de l'exposition, pour un menu cafétéria basé sur cette œuvre-là, pour des produits dérivés liés à cette œuvre-là, etc., etc. Donc, reste à voir maintenant qu'est-ce qui en ressortira exactement. Pour l'instant, c'est des expériences. Si c'est, évidemment, il y a des chutes favorables à tout ça, on peut imaginer que le modèle va être développé plus avant. Voilà, ben Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, c'est toi qui nous remplace, qui me remplace, en fait, pour les deux prochaines semaines. Tu vas nous faire une émission folk. Oui, folk et post-rock. Folk et post-rock, voilà. Puis d'ici là, ben vendredi, c'est La Vie en BD. Et La Guerre des Arts de Francis et Ernest sera, entre autres, au menu. Voilà, l'invitation est lancée vendredi 17h30. On s'en va en pause audio, on écoute un extrait de la pièce Valentine Mix. Au retour, on discute avec Dan Bro. Do archivne pshimonatsileos. Didi majoritari vin mia. Da prosta ra, martali ra bicheva ra. Alzo go imi arari. Da tomata mirek. Voilà, c'était un extrait de l'album Numbers de Public Works. On est toujours à l'aérospatiale et j'accueille devant moi le lauréat de la semaine dernière, Le Soleil Radio-Canada, qui a été lauréat, bien entendu, parce que son travail figure dans la publication 100 Painters of Tomorrow, qui est publiée par Thames & Hudson. J'accueille Dan Bro. Bonsoir. Salut. Ça va bien? Ouais. Ça bouge, hein? Ouais. Non, ça va très bien. Hey, parle-moi de ça, là, 100 Painters of Tomorrow. C'est un concours, de ce que j'ai cru comprendre, qu'il y avait sur Internet. Ça a eu lieu quand, ce concours-là? Il y a à peu près un an et demi, je dirais. OK. C'est un concours que j'ai vu passer sur Internet, mais c'était ouvert, en fait, à tout le monde là, qui fait de la peinture sur la planète. Puis le but, c'était de trouver 100 artistes qui sont pas encore qui sont prometteurs d'une certaine façon en peinture, puis tout ça monté dans un concours avec un jury très très professionnel, puis le but c'était pour finir en fait dans une publication d'un livre qui s'appelle 100 Painters of Tomorrow, donc 100 peintres de demain. Puis ça, ce concours-là, à l'origine, a été organisé par Kurt Beers, qui est un galeriste londonien. Oui, oui. Ben, ce que j'ai pu comprendre de lui, c'est que c'est pas la première fois qu'il organise des concours, des trucs pour aller chercher des gens un peu partout. Je pense que c'est de loin le plus gros concours qu'il a organisé. C'est associé avec la maison Thames & Hudson, la maison d'édition de Londres, qui est quand même assez reconnue. Ben, assez prestigieuse. Oui, puis c'est bien entouré aussi, comme pour le jury. Donc, le but pour lui, c'était vraiment d'organiser un concours là, je pense, très, très professionnel. Là. Puis pour l'avoir rencontré, Kurt Beers, il est super smart. Là. C'est vraiment un bon gars, quelqu'un de très enthousiaste, puis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup la peinture, puis l'art, mais dans ce cas-ci, c'était un concours sur la peinture, donc il était vraiment, vraiment très curieux. Puis quand j'ai discuté avec lui, il me disait justement qu'à Londres, certaines personnes lui disaient « Mais pourquoi tu fais ça, ce concours-là? T'as pas besoin d'envoyer des filets si larges que ça. Il y a plein de bons artistes à Londres. » Puis il disait « Mais moi, je voulais justement briser ce miroir de verre-là. » Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas juste des grosses capitales artistiques dans le monde. Il y a des gens qui œuvrent ailleurs. Oui, ben oui, mais en même temps, la réalité des marchés fait que souvent c'est dans les grands centres que naissent les artistes de demain là, de toute façon. Donc lui a voulu un peu sortir de ce moule-là puis aller voir ce qu'il faisait un peu partout. Donc moi je trouve ça super cool là. En n'étant pas un artiste d'un grand centre, c'est vraiment trippant de pouvoir participer à ce projet-là là. Ben oui, puis de bénéficier d'une diffusion quand même assez élargie là, parce que ça, cette publication-là, Times and Hudson, on s'attend à ce qu'il y en ait un peu partout là. Ben oui, déjà ils ont fait le lancement à Londres et le lancement à New York. Puis je crois que, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que quasiment toutes les galeries en recevaient. Je pense qu'ils ont fait un vrai lancement là, à l'international. Donc oui, c'est une super visibilité. Là. On ne se le cachera pas. Là. Ben c'est... oui, on en reparlera de la visibilité, mais moi j'ai envie de parler un peu du processus du concours. Là, tu dis que le concours a été lancé il y a un an et demi. Ouais. Ça a pris combien de temps avant que tu saches comment ça fonctionnait là, pour bon, que tu saches que tu étais retenu? Oui, ça s'est fait en plusieurs temps. En fait, en premier lieu, ils ont lancé le concours. Il y avait une date là, limite pour appliquer. On appliquait, si je me souviens bien, par courriel ou en tout cas avec un formulaire quelconque sur le net. Ils ont reçu quelque chose comme 4300 applications. Ensuite, le jury s'est retrouvé ensemble et ont fait une première sélection de 400 artistes. Hein? Ouais, de 4000 à 400 déjà là. Donc là nous on recevait un courriel, je pense qu'il sur le Facebook de l'événement publiait les 400 artistes qui avaient fait la première tournée d'une certaine façon. Ouais. Bon, moi déjà là, je me disais OK, c'est super, moi j'ai gagné en quelque part là. Enfin, je m'attendais vraiment pas à faire le tour suivant. Puis là, ben, je me rappelle plus si c'est un mois et demi ou deux mois plus tard. Ils m'ont réécrit pour me dire, ben, félicitations, tu fais partie des 100 artistes qu'on a sélectionnés pour l'événement. Par contre, t'as pas le droit d'en parler avant que idéalement, on te demanderait de garder ça sous silence. Fait que ça fait quasiment un an et demi, moi, que je le sais, là, que ah je peux non, pas en parler. Non, non. Que tu peux pas c'est pas mal dur de garder jour. Un secret aussi longtemps. Mais tu sais, j'avais quand même dit à mes parents puis à quelques ben amis, oui. Là, proches, mais, je suis content, tu sais, là, c'est comme mon truc. C'est drôle parce que ça sort, mais pour moi, ça fait comme un an et demi que je le sais. Fait que, c'est comme la nouvelle est vieille pour moi là, mais en même temps c'est cool là, tu sais, c'est fait que c'est ça, ça a été comme une espèce de tu sais de j'ai eu plusieurs moments d'émotion en ben fait ouais. Tout au long du parcours là, ouais. Avec un beau party dans ta tête là qui revient sporadiquement. Ouais, puis là c'était le fun, dernièrement c'était à l'exposition à New York, le lancement du livre s'est fait à New York. Ouais, il y avait une exposition en même temps d'une partie des artistes. Donc, moi, j'exposais à New York. Donc, c'était comme le lancement et exposition à New York. Et ça, tu c'était allé? Un rêve. Oui, oui, oui. Ah, oui, puis oui, comment? C'était comment? Ben, écoute. C'était, moi, je m'en rappelle plus trop de tout. Là, j'ai bien fêté, mais tu sais, avant de rentrer dans la galerie, moi, ce que je me rappelais, c'est quand j'étais jeune, quand j'allais à New York comme jeune étudiant en art, je me rappelais comment je trippais à New York. Puis je me suis dit, OK, ben en ce moment, là rappelle-toi, si à 20 ans, tu avais su que tu allais avoir une exposition, tu aurais trippé. Fait que là, je me suis mis un peu dans ce mood-là. Ouais, je comprends. Fait que j'étais comme vraiment fébrile, puis j'avais pas vraiment d'attente. Je me suis vraiment fait du fun. J'ai parlé avec plein de monde. Ça a été une soirée mémorable. Là. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis c'était vraiment un jam-pack. Là. C'était rempli. Puis je peux pas rien annoncer, mais il y a peut-être des choses qui vont découler de ça. Ah, là, c'est hein? Ça, ouais, hein? Ouais, ouais, ouais, on ouais. Parlait de visibilité tantôt. Là, ouais. On s'entend. Là, tu sais, je t'entendais à Radio-Canada, tu as fait une entrevue ouais. à première heure. J'ai lu aussi le texte dans Le Soleil. Puis tu disais, tu sais, je peux pas dire qu'est-ce ouais. que ça va donner comme impact, mais c'est sûr que ça doit aider. Ben, en déjà, tabarouette. Depuis ces entrevues-là, ah ouais, il y a des ça fait même pas que, de semaine. Ben, je te dirais qu'au Québec, c'est peut-être comme là, à cause des médias, ça commence à savoir, alors que ça savait, je pense que c'était pas vraiment su avant ça. Donc, de ça, j'ai plus d'amis Facebook, j'ai plus de demandes, des demandes par courriel, là, d'informations, la galerie aussi reçoit beaucoup plus de demandes, même des gens qui sont intéressés, qui ont acheté des tableaux. Donc il y a, je sens que ça fait un certain effet au niveau des trucs plus international. Il y a quelques petits trucs, mais c'est rien confirmé, fait que j'aime mieux pas en parler. Il y a des choses qui se passent, là, mais ça, je sais pas si ça va déboucher sur quelque chose en particulier, mais c'est quand même excitant de sentir qu'il y a pas quelque chose de possible. Ben, on sent que tu poursuis une lancée aussi, là, parce qu'avant, tu avais déjà commencé là, à exposer lentement mais sûrement à l'international aussi. Depuis une couple d'années, ben, tu sais, c'est long, là. Une carrière à l'international, c'est quelque chose qui est très difficile. De toute façon, ça prend des contacts là-bas, puis pour vraiment réussir. Donc, c'est quelque chose qui est long à produire. J'aimerais bien ça, là. Je pense comme n'importe quel artiste aimerait ça réussir à l'international, mais je dirais un jour à la fois, là. Puis c'est certain que ce projet-là, possiblement peut m'aider à ce niveau-là, mais peut-être pas non plus. Puis c'est peut-être pas grave, c'est, dans le fond, c'est que c'est un bon coup de pouce, puis c'est une belle table dans le dos, c'est une belle reconnaissance qui au-delà des acquis que ça peut m'apporter, c'est surtout que je trouve que ça donne vraiment confiance de banquer, tu sais, ce que je fais est reconnu par des gens que je connais pas, qui sont dans le milieu des sommités, donc c'est ça, fait parce du bien. Que là, on n'a pas parlé tant que ça de mes jurys, là. Je regardais la présentation de jury sur le site sur le site du livre, c'est des conservateurs, des commissaires d'envergure internationale, là, c'est vraiment un comité prestigieux. Critique du Art Forum. Il y a plusieurs qui écrivent même dans le Art Forum. C'est ça. Mais moi, en fait, c'est ce qui m'avait motivé à appliquer au départ au concours. Je m'étais dit, OK, c'est quelque chose de sérieux. Ils ont fait leur devoir, c'est d'aller chercher des vraies personnes qui connaissent vraiment ça. Puis c'est pas juste un concours où les artistes d'un peu partout envoient de l'argent à ce concours-là, puis ils reçoivent jamais rien en retour. Parce qu'il y avait je pense que ça coûtait 10$ pour appliquer, mais c'était pas grand-chose. Mais souvent, c'est le genre de truc que je me dis, oh, ça vaut pas vraiment la peine. Mais là, dans ce cas-là, le jury m'a vraiment donné confiance. Mais oui, c'est ça, c'est cool. Là. Je me dis, juste d'avoir la chance que ces gens-là puissent voir mon travail, ça vaut la peine. Pour 10$, c'est quand même pas si pire, c'est un bon deal. Mais je me doutais pas que ça allait aller aussi loin, là, mais écoute, tant mieux. Mais là, on parle autour du livre, là, mais le livre lui-même, il est super beau. Hein? Ben, tu sais, c'est dur pour moi de dire ça, là. C'est comme dire genre que mes tableaux sont très beaux, là. C'est un peu prétentieux. Ouais, mais c'est une qualité quand même. Mais le livre, je le trouve très beau. Je trouve qu'il y a vraiment. Thames and Hudson, au niveau des livres d'histoire de l'art, au niveau des livres, sont vraiment. C'est une maison de qualité, là. Puis leur but aussi, c'est de faire des livres de qualité à prix démocratique aussi pour que tout le monde puisse acheter le livre. Et rédigé par des spécialistes aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un bel ouvrage. Reproduction des œuvres en couleur est hallucinante. C'est un beau design du livre. Moi, en tout cas, je suis vraiment ravi de la qualité du livre. Là. Puis j'ai 4 pages. Ben oui, il y a 4 pages. Est-ce que tout le monde a 4 pages? Je sais pas pourquoi. Là, j'aime à croire que c'est parce que je suis spécial. C'est ça. Pourquoi pas? Ben, je pense que c'est un choix éditorial probablement de la maison d'édition. Je pense pas que c'est les jurys qui ont fait cette mention-là ou quoi que ce soit. Mais ça donne que certains artistes ont 2 pages. Moi, j'en ai 4. C'est-à-dire que j'ai comme une petite page de texte avec une image en bas. Ouais, j'ai 3 pages. Une citation. C'est ça. Puis j'ai 3 pages, pleines pages, 3 œuvres sur 3 pages. Fait que, c'est vraiment le fun. Ça donne un bon portrait de ce que je fais, je pense. Ça donne une bonne idée. Là. Puis les œuvres, justement, c'est qui les a choisies? Est-ce que c'est toi quand tu participes au concours ou c'est la maison d'édition? C'est comme C'est des œuvres que fallait soumettre 10 ou 15 images, je m'en rappelle plus. Puis j'ai l'impression que c'est probablement les commissaires Kurt Beers et la Thames and Hudson qui ont probablement fait une sélection à partir des 10 ou 15 images que je leur avais envoyées. Okay. Donc c'était dans ils sélectionnaient des images que nous on avait soumis là, à partir de ça. Puis ceux qui sont allés voir ton exposition avec François Simard à Regard vont reconnaître là, des œuvres qui étaient exposées justement. En fait, c'est un mélange d'œuvres que j'avais présentées à la galerie La Roche-Jonquière à Montréal, puis de cette exposition-là. C'est un peu des deux. Là. Fait que c'est une production vraiment récente. Là, 2013-2014, je pense. Je me rappelle plus. Ça peut pas être 2014, 2013. 2012-2013, peut-être. OK. Donc, assez récent, comme ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais poser comme question? Ouais, c'est qui écrit les textes? Hein? Est-ce que... La présentation du projet du livre par Kurt Beers lui-même, qui est celui qui a conçu, concepteur de ce projet-là. Et ensuite, il y a un essai qui s'appelle Beware Wet Paint, je vais baragouiner son nom, mais c'est Gregor Muir. C'est dur, là, les airs. Ouais, j'ai bien la misère, mais c'est la personne qui est en charge du ICA à Londres. Donc, c'est okay. comme quelqu'un de très influent dans le milieu des arts londoniens, même sur la planète. Là. Donc, lui, il écrit un article sur la peinture actuelle, sur ce qui se fait. Puis, il fait des liens, en fait, avec plusieurs artistes. Il parle à un moment donné, il y a un petit truc qui parle de mon travail. Mais tu sais, je pense que c'est assez sommaire. Là. Il parle un peu de tout le monde. Ben ouais, mais c'est quand même cool de dire que ça veut dire qu'il a pris le temps de regarder ce que je faisais puis écrire un petit truc sur mon travail. Fait que c'est cool. Là. C'est un livre, je dirais, de référence. C'est pas nécessairement un livre avec... tu sais, l'essai, il est peut-être 5-6 pages. C'est pas un livre de texte. Là, non. C'est vraiment un livre d'images de peinture. Pour s'imprégner, là. Ouais, puis pour donner une idée de ce qui se passe, en peinture, puis... Fait que c'est ça, ouais, en tout cas, moi, je suis vraiment content, là, mais... Ben oui, puis en plus, j'ai lu, je sais pas, je pense que c'est dans Le Soleil que Kurt Beers a comparé ton travail à celui de Kandinsky, c'est quand même pas rien, hein? Ouais, ben, ça, c'est dans le livre, là, ouais. Quand il parle de mon travail, il fait le lien avec Kandinsky. Ben, c'est sa vision des choses, c'est certain que c'est très flatteur, là, c'est quand même pas... Est-ce que c'est une influence pour toi, Kandinsky? Je te dirais pas de façon concrète, là. Je sais pas quelqu'un qui, moi, m'a nécessairement marqué dans mon travail, mais ouais. Je dis, c'est une figure importante de l'abstraction, c'est une figure très importante de la peinture. Donc, tu sais, que c'est une personne que je connais, c'est un artiste que je connais beaucoup. Un incontournable. Ben oui, exactement. Mais c'est quelqu'un, un artiste pour lequel j'ai beaucoup de respect, puis j'aime beaucoup son travail aussi, mais je peux pas. Tu sais, c'était peut-être un peu trop éloigné. J'ai plus été inspiré par des artistes plus. Plus proche de moi, mettons, des années 80, 90, des trucs comme ça. Là. En terminant, Dan Bro, là, tu dis, ben, je vais pas me lancer parce qu'il y a des choses qui sont pas confirmées, tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment là, des choses que tu sais qui s'en viennent, qui sont... Qui sont pas nécessairement en lien avec le livre, mais je vais présenter une exposition solo à la galerie La Roche-Jonca au mois d'avril, le 16 okay. avril. Donc, ma prochaine exposition solo avec cette galerie-là. Je vais participer à la foire papier 15, je crois, qui est également en avril. Okay. Donc, pour l'instant, je travaille beaucoup là-dessus. Fait qu'on va à Montréal au printemps. Si j'ai d'autres nouvelles, je t'appellerai puis je reviendrai t'en parler. C'est bon, excellent. Bon, on aurait pu en parler encore plus longtemps, parler de la peinture actuelle, parler des autres artistes qu'il y avait dans le livre, mais le temps file. Dan Bro, merci beaucoup. Merci, Julie. Donc, si ça vous intéresse, 100 Painters of Tomorrow, je ne sais pas là, exactement où on peut se le procurer, mais il y a un site Internet. Là, si on écrit ce titre-là, sur ça se trouve facilement. Je pense que tu peux downloader. Sinon, il y a Amazon.ca. Tu peux le commander par là. Je sais qu'à Québec, zone université en nom. Okay. J'ai l'impression que probablement dans les librairies peut-être plus spécialisées, vous allez les retrouver. Mais sinon, Amazon.ca, c'est vraiment rapide. Ça prend une 2 journées. Puis, voilà. Il n'est pas très cher. Ben, merci beaucoup. Okay. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Audrey Caro. C'est KRL. Québec. Demain dès 17h30, écoutez l'émission en direct du Sacrilège, présentée au Sacrilège. C'est évident. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la fête de Noël? Une redécouverte fulgurante de vos fonctions biologiques? Une relecture attentive de vos vieux sélections du Reader's Digest? Une angoisse profonde, hashtag consommation, hashtag famille, hashtag l'amour? Cette année, votre emballage, votre cuisinage, votre buvage, votre énervage, ça va se passer à CKRL. Claude Brindamour, Denise Leclerc et Sophie Pomerleau présentent une émission de Noël qui enneigera votre cerveau, le rendant prêt à se tourner vers le petit Jésus. Entre 3 gorgées de brandy, dimanche le 21 décembre à 13h pour tout l'après-midi. Et les chansons de Noël, quand tu t'y arrêtes, il y a 39 chansons déclinées en 4700 versions. C'est ça la réalité. Pour la toute première fois en DVD, découvrez le pianiste André Gagnon. L'artiste lance Souvenirs du Japon, un coffret qui réunit 18 grandes pièces de son répertoire, interprétées lors d'un concert offert en 1996, au pays du soleil levant. Voilà une occasion unique de voir comment le virtuose a conquis le cœur des Japonais et s'est acquis leur respect. Samedi 20 décembre, soyez à l'écoute de l'accroche-cœur entre 9h et midi pour gagner votre copie du coffret CD-DVD d'André Gagnon. Pour une 3e année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Je voudrais vous remercier de m'avoir supporté. Grâce à vous, j'ai pu soulever la coupe et y boire de nombreuses fois. Puis là, ben, je peux me retirer un vrai gagnant. Juste ici, c'est là, chez nous. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou le 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Pour accompagner les récentes bordées de neige, quoi de mieux que de parler d'art textile? L'équipe de Bazar, des passionnés d'art et culture, vous font découvrir une discipline à mi-chemin entre les arts contemporains et l'objet utilitaire. Saviez-vous qu'il y avait un retour en force pour l'intérêt du fait main et des loisirs créatifs? Lisez Bazar et découvrez un monde stimulant et fertile. Disponible gratuitement chez plus de 300 partenaires participants de Québec et Lévis. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la ville de Québec, des matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 5 janvier, les Verts rencontrent les Jaunes. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. CKRL 89.1, Québec. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale pour cette dernière demi-heure de l'an 2014. Hey, pas théâtral, pas toute mon affaire. J'accueille à l'instant Audrey Carreau. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Je t'ai fait venir Audrey parce que bon, t'es une collaboratrice de l'émission, mais également tu travailles à l'œil de poisson. Puis j'avais envie, je sais que t'en avais parlé un peu avec Jean-Pierre Gué pendant mon remplacement, mais j'avais envie que tu me parles un peu plus de c'est quoi ça cette affaire-là, la tablée de Noël de l'œil. Là, vous faites un souper de Noël pour financer le centre. Oui, c'est ça. Ben à vrai dire, c'est au début de l'automne, on a lancé notre campagne de financement qui s'appelle L'œil à la pêche. Ça veut dire qu'on a intitulé L'œil à la pêche. Et puis, dans les activités qu'on souhaitait faire, eh bien, on s'était dit, ben, pourquoi pas faire une activité pour Noël. Ben, de toute façon, à l'œil de poisson, il y a toujours un événement multidisciplinaire qui se passe à la fin de la saison, ouais. Justement, pour marquer. Ça n'a pas nécessairement rapport à Noël. Mais là, cette année, on s'est dit, ah, ben, tiens, la galerie était disponible. Bon, on s'est dit, ben, pourquoi pas organiser une activité de financement? Et ben, l'idée de faire une grande tablée là, est venue tout de suite au comité de financement, là, justement. Puis là, c'est toute l'équipe de l'œil qui met la main à la pâte. Là. Vous faites tout. Là. Vous faites à manger, vous recevez. Oui, ben, à vrai dire, on est quelques membres de l'équipe et aussi quelques membres du conseil d'administration qui ont décidé là, de vraiment mettre la main à la pâte pour préparer un super souper, là, vraiment de A à Z, un menu 4 services. Avez-vous, qui est concocté. Est-ce que tu peux en parler du menu? Ben, écoute, je peux dire qu'il va y avoir mise en bouche avec une soupe. Et un plat principal assez généreux et un succulent dessert concocté par Florent Cousineau. Oh, quand même. Oui, hein? Je sais pas qu'est-ce qu'il nous concocte, mais ça risque d'être assez délicieux. Il nous a promis que ça allait être décadent comme dessert. Alors, ah ouais, bon. Mais tout le reste est excellent. On salivait là quand on préparait ça en groupe là, tout ça, on salivait là à l'idée là, de préparer tous ces bons plats là. Et puis vraiment, l'œil va se transformer. Là, nos bureaux vont se transformer en cuisine, là, si on peut dire. On va tout assembler sur place. Mais c'est ça, là, comment vous faites? Parce que là, vous êtes un centre d'artistes. Vous n'avez certainement pas. Vous recevez combien de personnes? À vrai dire, on va recevoir en tout 30. On a de la place pour 38 personnes. Ouais, puis il nous reste bon 3 places. Hein? Fait que, ouais, 3 places. Allez-y, seulement, là, vous avez jusqu'à 18h30. Donc, vraiment, on est presque complet. Puis c'est ça, dans le fond, tout le monde va cuisiner de son côté. Et puis, à la maison, on va s'assurer que les plats sont chauds. On a des réchauds, des micro-ondes. On va assembler la salade et tout sur place, des petites bouchées aussi en entrée. On accueille les gens avec un délicieux punch de l'amitié, bien sûr, hein, pour bien lancer les festivités. Ben oui, parce que là, il faut dire quand même une tradition festive depuis... Très longtemps. Très, très, très longtemps. Je pense depuis les débuts. Et puis, c'est ça. Donc, dans le fond, les cuistots vont assurer le service. Donc, les gens, là, c'est pas sous le mode de buffet, mais vraiment, on fait le service complet. Il va y avoir du vin aussi durant la soirée, là, accord mets et vin. En tout cas, tout est pensé pour que les gens passent une belle soirée en notre compagnie. Êtes-vous fébrile à l'idée? Là, ça s'en vient. C'est quand? C'est vendredi. Êtes-vous fébrile? Parce que là, le service, c'est pas tout le monde qui a une expérience en restauration ou en cuisine. Ça doit être quand même un peu stressant slash excitant. Ben, je dirais stressant. En tout cas, pour ma part, moi, je trouve ça plus excitant que stressant. Puis, avoir mes collègues aujourd'hui... Tout était sous contrôle. On a commencé justement à préparer la salle parce que en même temps, c'est pas que pour la bouffe, mais vraiment aussi on crée tout un univers de Noël, mais disons pas comme des un Noël en heure actuelle, mettons. Oui, exactement. Ça pas un Noël de type magasin là, jardin Amel, si on peut dire. On l'espère, hein. Mm-hmm, exact. Mais vraiment, on est là-dessus à temps plein pour aussi créer une expérience. Hein. C'est ça qu'on veut faire, une expérience totale lors de cette soirée-là. Puis là, j'imagine, là, de la manière dont tu parles aussi, là, c'est qu'il va y avoir quand même un aménagement des lieux. Est-ce que vous faites appel à des artistes? Est-ce qu'il y a des installations? Bien, à vrai dire, il va y avoir des éléments d'œuvres d'artistes, je vous rêvais pas qui, mais qui vont se retrouver dans notre scénographie, si on peut dire, spéciale. Mais vous vous sentirez pas, vous allez vous sentir à ailleurs, là, vraiment, là, c'est comme je dis, c'est un univers qu'on va créer pour vous lors de cette soirée-là, puis avec une très bonne ambiance musicale aussi. DJ? Oui, DJ Sixte Paz, à vrai dire Alex Berthier, qui va être avec nous toute la soirée pendant le souper, mais aussi, il faut le dire, pour les gens qui ne pourraient pas avoir l'opportunité de venir souper avec nous. Ben oui, parce qu'on peut y aller après. Là. Exactement, le souper est à 18h, mais la soirée, par contre, on peut y accéder à compter de 21h, et ce, jusqu'aux petites heures du matin, et c'est seulement 5$ là, à la porte, là, ça. C'est symbolique, mais pour nous, c'est ben, vraiment... C'est symbolique. S'il y a 100 personnes, ça fait toujours bien oui, un oui, montant. Oui, exactement, là, mais c'est ça. C'est dans cet esprit-là. Il faut le voir comme vraiment une soirée là, de financement pour nous. OK. Fait que là, j'imagine que vous avez pas mal hâte. Puis, où est-ce que, mettons, là, je suis une des 3 personnes là, qui va avoir la chance de se procurer un billet pour vendredi. Je vais où? Je vais sur le site de l'œil de poisson? Seulement, là, maintenant, ça va être juste de nous contacter soit par téléphone ou en écrivant à notre adresse générale info@œil-de-poisson.com parce que là, on veut s'assurer qu'on n'ait pas non plus trop de gens. Donc, on a retiré là, le lien de paiement en lien sur le site. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas un compteur là-dessus. Exactement, fait que là, ça aurait continué à accepter. C'est ça, c'est pour ça. Mais vous pouvez nous appeler, laisser un message au 418-648-2975 qui est le numéro général de l'œil. Voilà, dépêchez-vous. Voilà. Oui, ben c'est ça, c'est les dernières. Sinon, ben faut pas vous en faire. Vous pouvez toujours venir avec nous en soirée et c'est certain que ça va être des plus festifs aussi. Voilà, donc gros party de Noël aussi à l'œil de poisson après la tablée festive. Exact. Et voilà, Audrey Caro, merci beaucoup. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Merci à toi aussi. Puis on se revoit à compter de la mi-janvier ou un peu plus tard. Parfait. Voilà, donc la tablée de Noël à l'œil de poisson ce vendredi dès 18h30. La soirée dansante est à 21h. On fait une pause, on écoute Numbers One. C'est bien le titre. Voilà, sur les ondes de CKRL. Delta, Mike. Delta, Mike. Delta, Mike. Delta, Mike. Message 4. 414. 214. 18. Off. myself back in, but I must admit that there is a tremendous amount of deep. There is no longer disputing the fact that the voices exist. Objects are empty. Many questions still remain. But their origin is still up as to whether they are actually from the afterlife voices. It should also be noted that there's going to be some type of collective vision. Of these samples have been altered or tampered with in any way. Other than to master the recordings of this CD. Many purporting for the voices of the dead. And you want to resonate? We always resonate. Yeah, me too. Voilà, donc on est de retour à l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Je vous invite, avant de poursuivre l'émission plus avant, à aller sur notre site, l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez trouver l'émission disponible en balado-diffusion, également les liens pour le téléchargement des pièces de Simon Roy. Puis Raymond Poirier m'a dit, ça arrivera pas tout de suite, mais il va aussi avoir les liens là pour la revue de presse de Raymond Poirier, donc l'aérospatiale.wordpress.com. On est également sur Facebook si vous voulez connaître à l'avance le menu de l'émission. Voilà. Aujourd'hui, c'est une émission qu'on consacre un peu plus, comme disait Fanny Ménard, aux Québécois qu'on exporte à l'international. Et parlant de Fanny Ménard, je la reçois. Bonjour. Bonjour. Et je reçois également Véronique Isabelle. Bonjour. Bonjour. Véronique, t'as été commissaire pour le projet d'Eau Norte à Eau Norte. Est-ce que je le dis bien? Oui, ça ressemble à ça. Plus ou moins. D'Eau Norte à Eau Norte. Oh boy. OK, je vais continuer à le dire à ma façon très québécoise parce que je suis pas sûre que j'ai bien retenu. Donc, c'était un projet de résidence et exposition à Belém, au Brésil, en Amazonie. Peux-tu nous parler un peu de l'origine de ce projet-là? Bien, en fait, moi, j'habite à Belém depuis quelques années déjà. Ah ouais? Et puis, je suis arrivée à Belém justement par un projet d'échange. Et puis, c'était la moindre des choses que d'essayer de faire l'appareil puis d'inviter ici un collectif que j'ai monté de gens que je trouvais qui allaient être super bien ensemble, qui fonctionneraient bien aussi dans le contexte là-bas. Alors, t'habites à Belém, t'étais allé en résidence là-bas, puis ça y est, t'es tombé en amour avec l'endroit, puis tu t'es dit, c'est ma vie maintenant. Exactement. Ouais. Puis ça fait combien de temps, tu dis, quelques années? Ça fait 5 ans que je suis là-bas. OK. Ouais. Maintenant, je continue avec des projets d'études. Mais c'est vraiment un endroit qui m'a complètement bouleversée, que j'aime beaucoup, beaucoup au quotidien. Peux-tu nous en parler, justement? Parce que là, bon, je sais que c'est comme en Amazonie, mais c'est tout. Au Brésil, l'Amazonie brésilienne. Alors, c'est un autre Brésil. Le Brésil, c'est composé de plusieurs Brésils. L'Amazonie, en soi, c'est un endroit qui est très particulier. Alors oui, il y a un rapport hyper fort avec la nature, avec le fleuve. La ville est très dynamique. C'est tout en contraste, autant la pauvreté, la diversité culturelle, l'art est très présent, l'art populaire. C'est un endroit fascinant. Puis c'est une ville de combien d'habitants? C'est 2,5 millions. Oh, mon Dieu! C'est là qu'on voit qu'au Québec, hein, on a une ville de 2,5 millions. C'est comme à peu près le centre de toutes nos préoccupations. Puis là, Belém, je connaissais pas. Puis bon, on est au Brésil, là, la population. C'est une grande ville du Nord, mais c'est rien à voir à côté de São Paulo, qui est, je pense, c'est 15 millions, si je me souviens. Ah, c'est ça, là. On n'est pas dans les mégalopoles ici. Hein? Voilà. Le Nord est toujours un peu moins peuplé. Donc là, tu dis, t'as fait venir, en fait, c'est 5 artistes en résidence. Puis, il y avait Dan Bro puis Cynthia Dinamichel aussi là, qui participaient à une exposition. Exactement. T'as dit, bon, les artistes, je trouvais qu'il y avait des points en commun. J'avais envie de les faire venir. C'est quoi, justement, ces points-là? Parce que parmi les artistes, on va les nommer. Il y a Amélie Laurence Fortin, il y a Hugo Bergeron, il y a Fanny Ménard qui est avec nous, il y a toi. Puis, qui est-ce que j'ai oublié? Il y a Alison Moore, voilà. C'est ça, qui est à Montréal aussi. Plus Dan, plus Cynthia. Alors, c'est toutes des gens qui, je trouve, qui ont une espèce de belle générosité dans leur travail. C'est des plasticiens aussi. C'est des gens qui ont une immense générosité aussi dans leur travail, dans leur pratique. Puis toi, dans le fond, t'es là-bas depuis 5 ans, mais tu t'es au courant quand même de ce qui se fait ici? Oui, j'ai toujours un pied ici, je reviens souvent. C'est un endroit, en même temps, ça que je me rends compte, je peux pas quitter le Québec non plus. J'ai pas envie de choisir un lieu pour l'autre. Fait que justement, dans cette espèce de dilemme-là, j'ai décidé, bon, peut-être que ma position, c'est l'entre-deux. Ouais. Fait que c'est le pont, alors je vais vraiment travailler à dynamiser les échanges, dynamiser les allées et venues pour faire connaître une culture dans l'autre. Je pense que c'est deux lieux qui s'apportent beaucoup l'un et l'autre. Et Fanny Ménard, t'es allée à Belém, ça durait combien de temps? La résidence en soi a duré 2 semaines et demie à peu près. Okay. Donc, c'était quand même assez rapide. En plus, Véronique avait pour but de nous faire visiter un peu Belém et de nous faire profiter tout le côté aussi, végétation, nature. Fait qu'on a fait quelques sorties qui ont un peu obstrué notre temps de travail sur place. Mais je pense que l'expérience était avant tout immersive, fait qu'il fallait, il fallait qu'on profite du pays, il fallait qu'on s'imprègne aussi de l'environnement baroque de Belém, aussi bien en forêt qu'en ville. Ça a très bien fonctionné. Je pense que personne ne s'est retrouvé bloqué par rapport à un temps de production ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que l'urgence de la situation a fait qu'on a été très productif, mais de façon très ouverte. Et on a fait des choses qu'on n'aurait pas faites si clairement. Je pense que c'est le but d'une résidence de production quand tu pars à l'étranger. Fait que ça a très, très bien fonctionné à ce niveau-là. Oui. Ouais, de ce que j'avais lu, en fait, le côté baroque est ressorti pas mal chez tout le monde. Dans toutes les productions. C'est vraiment inspirant. Peux-tu nous en parler? Justement, toi, tu as fait un travail sur Eros et Thanatos, un diptyque ou deux tableaux que C'est deux tableaux qui fonctionnent en diptyque, effectivement, avec deux figures qui empruntent. Il y a aussi un clin d'œil à la culture mexicaine. J'ai été chercher des icônes de masques. En fait, c'est des masques qui sont faits directement incrustés dans des crânes humains que j'ai collés sur des corps d'enfants au milieu d'une espèce de végétation qui emprunte aussi bien à l'Amazonie qu'à la forêt au sous-bois québécois avec une collection de champignons que j'ai emprunté à Nathalie qui fait des très belles photos de champignons. Donc c'est comme un espèce de mélange, puis je suis partie avec une image incomplète un peu. J'avais quand même envie d'avoir une petite idée de ce que j'allais produire sur place, fait que j'ai commencé un collage mais que j'ai complété sur place finalement. On pourrait parler de travail des autres aussi. Ben oui, c'est ça. J'ai lu qu'Amélie Laurence Fortin elle avait fait une procession. C'est ça, elle a réalisé un grand projet sculptural, mais adapté avec des techniques brésiliennes qu'on a développées sur place, aussi avec un collectif de gens qui ont aidé à la construction de la pièce. Puis ça s'est transformé aussi en une procession qui était une performance qui amenait l'objet jusqu'au musée. Okay. Alors une belle grosse expo au Musée des Arts de Belém. Alors ça, c'était un bel espace à occuper. Hugo a fait une production magnifique, des grands tableaux. Il a réussi à faire ça en un temps record avec beaucoup de vitalité, puis beaucoup de... C'est quasiment un acte d'endurance qu'il a fait, là. C'était magnifique. Ouais? Puis il y avait Alison Moore aussi. Alison, c'était sa troisième fois à Belém. Mm-hmm. C'est une artiste qui avait participé au projet, un programme d'échange qu'il y avait à l'époque avec le Calque. Et puis l'IAP, qui est l'Institut des arts du Parrain. OK. Alors elle, je savais qu'elle avait déjà beaucoup d'affinités avec certains, avec un groupe de théâtre. Alors ce que j'ai monté une résidence pour elle, qui était l'idée de mettre en immersion un groupe qui travaille beaucoup le théâtre, la performance, puis elle qui arrive avec un projet qui inclut la performance, l'animation et puis les jeux de projection d'ombre. Alors j'ai comme présenté son travail avant qu'elle arrive à ce groupe-là qui ont adoré l'idée. Alors, ils sont disponibilisés tous pendant une semaine dans une salle, puis ont travaillé en immersion, mais vraiment dans une relation à l'horizontale. C'était pas elle qui venait proposé son travail. C'était vraiment là, une collaboration qui a mené justement à une présentation qui a été extraordinaire sur une des places publiques de Belém. Alors, c'était très belle résidence, là, bien complète. Puis pour ta part? Pour ma part, moi, j'ai joué un peu à tous les rôles. Parce que mais t'étais vraiment la chef d'orchestre de la chose, non, tout en jouant d'un instrument. Là. T'as dû courir pendant 2 semaines et demie, toi aussi? Effectivement, ça a été il me semble, une année en 2 semaines et demie. Ça a été hyper intense. Il faut dire que Véronique, je pense que pour pouvoir témoigner sur place de l'avoir vue, parce que ça fait longtemps que je la regarde, on est des amis proches, ça fait longtemps que je la regarde aller là-bas, puis je comprends pas trop. Puis là, je comprends que vraiment ce projet-là fait prendre forme à tout ce qu'elle entreprend, c'est-à-dire qu'elle a une espèce de don complètement inné pour mettre les gens en connexion, pour mettre les milieux aussi là-bas en connexion. Pour faire du réseautage, finalement. Exactement. Aimer des milieux qui sont complètement défavorisés, ignorés par une majorité de la population, même de la classe moyenne là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de snobisme, hein, de ce que j'ai cru comprendre. C'est juste qu'il y a un écart social incroyable. Ouais, ouais. C'est un des pays avec les écarts les plus grands, autant économiques. Alors, ça crée des tensions, oui. Puis à ce niveau-là, c'était magnifique. Là, la soirée de projection du projet d'Alison Moore, par exemple, avec le groupe de théâtre, ça s'est fait sur une place dans la rue, une place dans un quartier, à côté d'un milieu complètement défavorisé, où on avait comme 50 enfants autour de nous en train de manger du pop-corn puis de regarder dans les fenêtres le projet se faire. Là, c'était vraiment incroyable. Wow, ouais. Oui, tout un dépaysement, là, oui, parce qu'ici, on s'entend... Oui, puis je pense c'est rare que l'art sort dans la rue, mais comme à ce point-là. Là. Oui. Non, puis là-bas, je pense que c'est un endroit... Moi, ce que je souhaitais le plus à faire venir ces gens-là, que je sais qu'ils pouvaient vraiment réagir bien avec le milieu, c'est ça vaut tellement la peine d'expérimenter ça. Je veux dire, c'est un endroit qui donne un coup dans le ventre. Autant c'est intense au niveau de la nature, de la chaleur, de l'intensité. Mais humainement parlant, c'est une leçon de vie, je pense, pour chacun d'entre nous. Hein. Absolument. C'est un endroit qui est vraiment fascinant. Puis autant... Oui, on arrivait avec une proposition, mais les gens sur place, l'accueil, puis la réponse, puis le dialogue, puis on peut amener quelque chose aussi. Alors ça, je pense, ça allait vraiment été, ça allait affecter autant le groupe d'ici que le groupe qui s'est géré naturellement autour de. Puis gens tu parles justement de la réception, l'accueil, comment ça a été? Est-ce que c'était surprenant pour eux? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait vraiment comme un décalage culturel marqué entre les deux endroits? Peut-être, Fanny? On en parlait tantôt au téléphone encore. Nous, je pense que de notre côté, c'était vraiment incroyable ce qu'on recevait justement de la part des gens là-bas, ce qu'ils nous offraient. On a eu la possibilité avec Amélie Laurence, par exemple, d'aller voir les collections de l'Université de Belém, des collections de végétaux, d'insectes. On a eu accès à des choses. Les gens nous consacraient genre 2 heures et demie pour nous montrer des choses. Ils prenaient 2 heures et demie de leur temps. Ils prenaient une journée complète pour nous partager leur passion, nous faire prendre des photos. C'était complètement incroyable. Et du coup, en retour, on travaillait dans une espèce d'énergie où on se sentait redevable. Il fallait qu'on produise, il fallait qu'on fasse quelque chose. Voilà, vraiment. Et je pense que ça a très bien marché. Le vernissage a été un vrai beau succès. Il y avait du monde comme il n'y avait pas eu depuis très, très longtemps dans ce musée-là pour une soirée de vernissage. Et par après, Véronique me disait aussi qu'elle est repassée à 2-3 reprises voir l'exposition en semaine et sur fin de semaine aussi. C'était tout le temps plein. C'est incroyable. Ah ouais, wow, ouais. L'exposition. Ah oui, ça clashait comme production, parce que c'était un musée très classique, très pompeux. Ah ouais. Du coup, on arrivait avec un tableau contemporain. C'est magnifique Puis le fait d'arriver en groupe aussi, je pense qu'on était plus capable de nous donner individuellement, puis de donner un aperçu de la culture ici. On était plus fort tout de suite, fait que on se sent moins perdu que d'être seul, puis bon, OK, là, mes repères, où sont-ils, puis comment je me situe par rapport à ce que je fais habituellement. Je pense que l'esprit collectif aussi au Brésil, c'est quelque chose de présent. Alors, t'es jamais seul, t'es toujours en groupe, t'es toujours en interaction. Ça, je pense que d'arriver aussi en groupe, ça provoquait ça naturellement. Ah oui, ça a été une magnifique, magnifique expérience. Je suis super contente. En terminant, je lisais dans Le Soleil, Fanny, tu avais réalisé, je pense, une entrevue avec Josiane Deloche, oui, si je ne me trompe pas. Absolument. Tu disais, il y a peut-être le projet de reprendre l'exposition ici. Est-ce que c'est encore L'idée, l'Ardo Norte, Chão Norte, c'est vraiment l'idée de aller-retour. C'est un aller-retour aussi. OK. Un aller-retour que j'espère que va rebondir encore plus On va laisser le temps peut-être à Véronique de souffler un peu. Oui, hein, parce que là, c'est le temps des fêtes. Là, on respire. Je suis arrivée hier du Brésil. C'est reparti. Avec plaisir, on est prêt à... J'ai travaillé à la coordination du projet pendant qu'on était ici, depuis ici pour là-bas. Puis avec plaisir, on va continuer à travailler sur ce projet-là, puis essayer de le faire venir ici, et peut-être avec d'autres artistes aussi de là-bas. Ce serait merveilleux. Bon, ben c'est un dossier à suivre. Et en même temps, j'ai aussi un beau merci au CALC, puis à Première Ovation. Oui. C'est vraiment les deux organismes qui ont permis de réaliser le projet. Merci beaucoup, Véronique, merci à toi. Isabelle, Fanny Ménard. Merci. Si vous avez d'autres nouvelles, n'hésitez pas à nous faire signe. On en parlera certainement à l'émission. On prend une courte pause. On écoute Numbers 3. Et voilà, c'est déjà tout pour cette dernière émission de l'aérospatiale de l'an 2014. J'aime bien dire ça avec un ton un peu pompeux. Avant de terminer, je vous invite à aller faire un petit tour au 365 rue Saint-Jean à l'ancienne brocante Pierre-Trempe. Il y a la vente de feu Morisset. C'est Denis Morisset, en fait, qui est décédé il y a quelques années, qui a légué son œuvre à Pierre Bernier. Et donc, Pierre Bernier fait une vente de feu puisque Denis Morisset lui avait dit, quand tu auras vendu tout ce que tu peux vendre, brûle mes œuvres. Donc, c'est doublement une vente de feu. Donc, c'est vraiment la dernière occasion de vous procurer une œuvre de cet artiste-là. Vous avez jusqu'au 25 janvier. Sur ce, je remercie mes collaborateurs. Je remercie Jacques Gignac. Je vous souhaite un heureux temps des fêtes, une belle année en avance. Puis, je vous laisse avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique.